une sœur vient te demander conseil par rapport à un frère, ne commence pas à lui dire « Alhamdoulilah, il laisse pousser sa barbe, il a le qamis mi-jambe, il a ça, il a ça ». Il faut que tu saches de quoi elle a besoin. Dans l'islam, ce qu'on va regarder chez l'homme, tout d'abord, sa religion. Est-ce qu'il fait les salawats à la mosquée? Ou est-ce qu'il les néglige? Ça, c'est le début de sa religion. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de passer à la suite. Et si, au niveau de la religion, yani tout est bon, on passe à son comportement. Et c'est à ne pas négliger chez les hommes. Et ça, c'est, je le dis pour mes sœurs qui souhaitent se marier, ça suffit pas que ce soit quelqu'un de pieux. Faut regarder son comportement. C'est comme ça que le Nabi Aïssa nous a recommandé. C'est de regarder le comportement. إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Quand il se présente à vous, celui dont vous êtes satisfait de sa religion c'est d'abord sa aqida, sa salat, à la mosquée, pour les hommes. Et son comportement. Comme j'ai dit, il peut être pieux, mais avec un mauvais comportement, il va fatiguer cette femme dans sa vie. Il va être pénible pour elle. Et elle ne profitera pas de la vie avec lui. Et peut-être qu'elle divorcera. Et pire encore, peut-être qu'elle divorcera avec des enfants. C'est pour ça, c'est des critères très importants. Il faut qu'on respecte notre religion, tout simplement. Il faut qu'on agisse avec science, tout simplement. Avant de se lancer dans une chose, reviens à ta religion. Demande. Qu'est-ce qui est demandé? Quelles sont les conditions? Et ça, c'est pas comme c'est pratiqué dans certaines sociétés, et surtout en Europe, où les sœurs ramènent une liste de 100 questions à poser au frère. Et elles lui posent à lui, en plus. Bien évidemment, si la femme lui plaît, il veut l'épouser, il va lui dire ce qu'elle veut écouter. On se renseigne avant le muqabala. Le muqabala, c'est une petite touche finale qui va confirmer ce qu'on a pu collecter comme information. Le muqabala, c'est pas là où on apprend à connaître la personne, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Le muqabala, c'est une petite touche finale qui va nous donner des éléments que les gens ne peuvent pas te décrire, qui sont des sensations quand tu parles avec la sœur, quand elle te parle, des choses comme ça. C'est des petits détails, mais qui ont leur importance, bien évidemment. Mais le plus important, tu l'as eu avant le muqabala. Et pour les frères, je leur conseille de ne pas annoncer et demander le muqabala jusqu'à se renseigner. Et être apaisé que c'est cette sœur que je cherche. Comme ça, tu vas pas faire du mal à ta sœur, fillah. Tu te présentes et après tu la refuses, le deuxième, le troisième, le quatrième, après elle a des problèmes psychologiques. Car les femmes sont fragiles. Ne te présente que quand tu as tous les éléments qui te disent que c'est la femme que tu cherches. Là, demande une muqabala justement pour cette petite touche finale. Et pour la sœur également. Elle se renseigne sur l'aqida du frère, les chouyours qu'il écoute. Et pendant ces temps de fitan également sur sa position dans les fitan. Et son comportement. Ça, elle pourra le savoir en envoyant son frère ou son père ou son tuteur dans le quartier du frère, il se renseigne sur lui. Si c'est dans les pays de l'islam, c'est très facile. Si c'est au Maroc, par exemple, le pays que je connais, si c'est au Maroc, c'est très simple. Tu vas à Ndmoul Hanout, il te donne toutes les infos, que ce soit un homme ou une femme. À quelle heure elle sort de chez elle, combien de temps elle reste dehors, quand est-ce qu'elle rentre à la maison, et pour l'homme aussi. Il te donne toutes les informations gratuitement. Et dans les pays occidentaux, c'est différent, mais il y a toujours cette possibilité d'aller dans le quartier. Il ne faut pas se précipiter. En dialecte, on dit « Zouaj am tedbiru sana » ou « tedbiru am »« Zouaj lila tedbiru am » « Zouaj lila tedbiru am » Le mariage d'une nuit se prépare en une année. Il ne faut pas se précipiter. Mais la plupart d'entre nous faiblissent. Il a tellement envie de se marier, de se préserver de l'haram, que dès la première sœur qu'il voit, sa fille, il se lance. Ou après, c'est ça qui donne ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette quantité immense de divorces. Qu'Allah préserve tous nos frères et sœurs de cela. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait le nécessaire avant. Et après, le mariage, il faut savoir que ça demande de la patience. Ne crois pas que tu vas te marier avec une sœur. Et ça, c'est aussi à cause de manque de science. Regarde les choses qui se sont passées dans la famille du prophète, dans le foyer du prophète, entre le messager d'Allah et ses épouses. Ça va t'aider à tempérer un peu et à patienter plus. Et n'imagine pas que ta femme, elle sera comme le Hur al-Ayn au paradis. Au paradis, elle sera meilleure que le Hur al-Ayn, alhamdoulilah. Au paradis, elle sera meilleure que le Hur al-Ayn. Et le Hur al-Ayn sera à son service. Et elle sera encore plus belle que le Hur al-Ayn. Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui disent, Allah a promis le Hur al-Ayn aux hommes, tout ça au paradis. Mais nous, les femmes, on a quoi? Vous allez être meilleure que le Hur al-Ayn. Elle se rend à votre service. Et vous serez des reines dans le paradis. Si Allah vous l'accorde, qu'Allah nous l'accorde à tous. Et Allah enlèvera de vos cœurs la jalousie. Et ces choses-là, elles disparaîtront, elles n'ont pas lieu dans le paradis. Parce qu'il y a des femmes qui sont jalouses ici à cause de l'Hur al-Ayn. Il n'y aura pas ça, au paradis, il n'y aura pas cette jalousie. C'est pour ça que j'ai cité une fois que la jalousie, c'est un défaut. Mais c'est dans la nature de la femme, la nature dans laquelle Allah l'a créée. Elle arrive à surpasser cette jalousie avec la foi. Avec la foi. Donc la femme, elle doit se renseigner sur l'homme au niveau de sa religion et aussi au niveau de son comportement. Et ça, on doit tous le savoir, parce qu'on a des filles, on a des sœurs. Et l'homme, il doit se renseigner chez la femme, d'abord sur la dunya, comme a dit l'imam Ahmed, rahimahullah. Je mets en garde les frères contre l'exagération, à chercher une femme avec des critères de beauté, avec des critères de taille. Et ça, c'est malgré que c'est autorisé, mais il faut pas tomber dans l'exagération, parce que toutes les femmes, celui qui arrive à un niveau maladif dans ces choses-là, il n'y a aucune femme qui va le satisfaire, même s'il se marie avec la plus belle femme sur terre. Au bout de 3 mois, 4 mois de mariage, ça va disparaître. C'est pour ça, c'est autorisé pour l'homme de chercher des critères de, des femmes selon certains critères de beauté. Mais il faut pas tomber dans l'exagération. Et il faut savoir que la beauté de la femme, ça a un prix. Et comme bien on a entendu des hommes qui ont épousé des femmes d'une beauté extrême et qui sont devenus malheureux par la suite à cause de la beauté de leur femme. Pour des détails que je ne citerai pas ici, mais en tout cas, ça c'est des choses très connues. Mais commence d'abord par te renseigner sur dunya. Tu cherches une femme d'une certaine famille, d'un certain pays, d'une certaine beauté, au niveau de la taille ou là, des choses comme ça, le mohim, n'exagère pas dans ça, mais regarde d'abord ces côtés-là. Si tu es satisfait par rapport à ces choses-là, ensuite renseigne-toi sur sa religion, et non pas l'inverse. Comme ça, si tu apprends qu'au niveau de la religion, elle n'est pas comme il faut, Par exemple, elle suit pas le manhaj salafi, ou là, elle suit une secte égarée, ou des choses comme ça, tu vas délaisser ce qui t'a plu de la dunya à cause de ce que tu n'as pas trouvé chez elle de la religion. Mais si tu fais la démarche inverse, tu te renseignes sur la religion, ils te disent « Mashallah, talibat ilm, elle connaît le Coran par cœur, ou là, elle connaît une partie du Coran, elle mémorise des hadiths, elle parle l'arabe couramment, yani, des qualités religieuses comme celle-là. Mashallah, elle fait qiyam al-layl, elle jeûne le lundi, le jeudi, Allahumma barik. » Et après, tu te renseignes sur dunya, et tu trouves qu'elle a quelque chose que toi, tu peux pas supporter. Au niveau de la beauté, au niveau du poids, ou là, quelque chose, yani. Et après, tu vas délaisser tout ce qui t'a plu de la religion à cause de dunya. C'est pour ça, la bonne démarche, c'est la première et non pas la deuxième que j'ai citée. Voilà, c'était une parenthèse qui est venue comme ça, yani, concernant ce sujet. Qu'Allah fasse que ce soit profitable. Parce qu'on entend beaucoup de divorces et on entend beaucoup de problèmes dans les foyers. Et en général, parce que ces choses-là ne sont pas respectées. انشقوا يا اخوان الدعوه السلفيه بالسكوت تموت